Ce sont les meilleures équipes. Et si on dit à leur Bestenmannschaften the main event, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Previously dans Des bâtons d'Anguirou, 88.8 Radio Grenouille, résumé de l'épisode précédent. Cet épisode sera le premier de deux émissions consacrées au mouvement en football. Le mois prochain, nous choisirons une approche bien plus scientifique de cette question, mais aujourd'hui, nous privilégierons un prisme artistique. Oui, en effet, ce soir, nous allons nous pencher sur l'exposition de Joan Le Guilherme. L'argent rôde évidemment toujours dans cette noble danse que nous appelons des égards politiques. Le rétro-mouvement, le bouillon de culture, le tourbillon, voilà les termes sous lesquels le docteur Lehmann place les enjeux de nos deux émissions. Et vous savez aussi bien que moi que lorsque vous allez voir une expo avec le coach, le radar football est aux aguets. Puisque ce que l'on voit nous cache toujours quelque chose que l'on ne voit pas et qui se trouve caché derrière ce que l'on voit. Le point n'est finalement que la projection plan, la forme aplatie d'un ballon. Dans l'optique où nous envisageons avec vous, Manuel, d'appliquer ce procédé à une ligne défensive composée des postes et donc des numéros suivants 2, 3, 4 et 6. Donc on aurait comme ça une nouvelle ligne d'attaque composée à droite de Zubar, à gauche de Cyril Roll et en avant-centre de Frédéric Dej. Glissement, compensation, couverture, c'est une véritable philosophie de football totale. Le mouvement perpétuel, en permanence proposer la meilleure solution devant et derrière aux partenaires, occuper le terrain le plus largement possible en se déplaçant tels des sardines dans leur banc. La forme qui représente le plus ce mouvement, c'est peut-être la motte. Oui, tout à fait. Pas de budget annonce avec la motte, car personne ne prendra le risque d'annoncer l'avènement du spectaculaire. Le match de la honte, mais exactement, une arnaque ce match, un scandale. Donc ce jeu qui consiste à se mettre en boule dessine de manière symbolique un territoire à portée de vue et relève d'une esthétique chimérique du monstre. C'est le ballon qui est au cœur du regard, ce n'est plus un match de foot, c'est un one ball show. Geste communément appelé le râteau gauche interdroit, quelquefois accompagné d'un lever de coude gauche malheureux, et qu'on pourrait nommer ici donc le Thiago Motte. Lenteur, technique et fourberie. Clémentine, Dundee, vous êtes de nouveau penché sur l'œuvre de Le Guilherme. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous tout ça avant une petite pause musicale. Motte. La sphère dans le travail de Le Guilherme, c'est donc une mandarine. Et puis, avec le coach, on va essayer, nous, sur ce plateau, de reproduire l'expérience des Clémentines à partir de vos figures de célébration de but. Je crois qu'on a choisi, coach, celle de Thierry Henry. Alors, oui. On va affûter les lames. Hein. Oui, là, bon, on a quand même de la chance, hein, la peau d'une Clémentine, c'est quelque chose qui est assez souple. Par la jambe gauche. Manouet. Et bien voilà, chers auditeurs, c'était Des bâtons d'Anguirou, premier volet de nos émissions sur le mouvement. Magic est resté bloqué en célébration Luis Fernandez. Nous l'avions rejoint sur cette célébration. Bienvenue, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Des bâtons d'Anguirou, le tome 2 consacré au mouvement. Bonsoir, mon cher Brett. Bonsoir, Manuel. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, Dundee? Ça va bien, merci, bonsoir à tous. Alors nous sommes très inquiets puisque depuis un mois, Magic, comme on vient de l'entendre dans ce merveilleux montage, ça démarre sur les chapeaux de roue cette émission, Magic est resté bloqué sur son si bémol, cette célébration du but de Pedro Miguel Paoleta. Nous sommes très inquiets, il est parti avec le coach à Oléron, voir le doc, essayer de trouver des solutions. Et pour l'instant, nous sommes sans nouvelles. Donc autant vous dire que cette émission risque d'être marquée par l'angoisse, mon cher Brett. Tout à fait. Ben oui, on a peur pour Magic qui crie depuis un mois. Et on a aussi un petit peu peur maintenant pour Coach qui a quand même vécu de nombreuses heures de train en compagnie de Magic qui crie donc, en espérant que le doc puisse le débloquer à Oléron où beaucoup de choses se débloquent, j'ai l'impression. Néanmoins, nous devons de poursuivre notre exploration du mouvement. Ce tome 1, comme on vient de l'entendre avec une nouvelle fois ce magnifique résumé de l'émission précédente, était observé sous l'angle artistique avec le travail de Joanne Le Guillerme. Aujourd'hui, c'est la science, Dundee. Nous avons choisi de nous appuyer sur des textes, sur des sources, et nous avons passé un mois à l'Institut du Mouvement à Lumini. Bien sûr, deuxième volet du travail sur le mouvement, avec un long travail d'archivage, d'observation, d'entretien, afin de décortiquer ce qui, dans le foot, relève du mouvement à la sauce scientifique. Alors, au sommaire de cette émission, deux grandes parties, on va dire, Brett, le mouvement... Manuel, on va s'attaquer du mouvement plutôt des hommes et des joueurs de foot en ce qui nous concerne... ici sur le plateau, et puis on s'attaquera après au ballon, le fameux ballon de foot sans qui le foot ne serait rien, s'attaquer aux questions de trajectoire avec un exemple précis qu'on dévoilera tout à l'heure. On va tout de suite écouter le coach qui s'est, je crois, inspiré un petit peu de son voyage avec Magic pour introduire cette fois-ci cette émission et la question du mouvement en football. On n'est plus dans des mouvements statiques de la figure, mais on est dans ce mouvement tourbillonnaire de la figure où, précisément, comme dans le tourbillon dont je parlais tout à l'heure devant la mer, cette structure en spirale qui s'empare du mouvement et qui reste à la même place, permet, au fond, de donner lieu à des figures en mouvement, mais ces figures en mouvement qui, d'une certaine manière... Ne bougent pas. Les artistes de la guerre en parlent comme de la stratégie de l'araignée sur sa toile. Les ambassadeurs dijonnais l'appellent la diplomatie de la moutarde sucrée. Le coach lui préfère une référence plus technique, le mouvement dans l'immobilité, tout simplement. Le footballeur qui s'aventure à exercer le mouvement dans l'immobilité doit accepter le rôle du fou. Pas le fou qui fait peur, mais celui dans lequel l'artiste ou le sage se reconnaissent. Le mouvement dans l'immobilité ne se trouve pas dans un football académique et industriel. Le mouvement dans l'immobilité ne se trouve pas non plus dans le foot populaire qui aime sa babale. Le mouvement dans l'immobilité ne se trouve pas non plus dans le monde des images où les médias œuvrent à globaliser le sport. Le mouvement dans l'immobilité se cultive sur l'herbe fraîche d'une quatrième dimension du football. Un théâtre des rêves où s'inculque cette sorte d'archi-foot qui ouvre à l'autre, à l'hétérogène, à l'imprévisible, au suspense, à l'étrangeté. Le mouvement dans l'immobilité tel qu'il est enseigné par le coach est un paradoxe performatif qui s'écrit tout entier dans une partition qui accorde l'action à l'esprit du jeu. Bouger sans bouger. Le mouvement dans l'immobilité se manifeste dans l'épiphanie d'une présence quantique bien réelle, une présence qui fixe et ouvre en même temps. Une présence tellement là qu'elle en est plus forte que la réalité. Cette présence exacte et vivante trouve son expression la plus efficace dans une construction paradoxalement accouplante et diffractive qui génère cette impossible conjonction, mouvement et immobilité. Le mouvement dans l'immobilité demande à l'adepte qui souhaite passer maître dans son art l'ultime sacrifice, le sacrifice de devenir une humaine abstraction. Cette stratégie de coaching n'est pas sans rappeler ce que les authentiques séducteurs et autres esthètes élèvent au rang de beaux-arts, la vanité. Le coach commence toujours son entraînement au mouvement dans l'immobilité par cet avertissement. Pour bien jouer du mouvement dans l'immobilité, il n'est plus question d'agir mais d'osciller. Il n'est plus question de réagir mais de danser. Se danser soi-même comme jamais. Les leçons de cette science trouvent leur application au cœur des duels. À jouer la présence et l'absence en même temps, pour s'affirmer en se niant, pour faire jouer l'adversaire contre lui-même. La méthode est assez simple. Il s'agit dans un premier temps de prendre position, de faire croire que l'on est ce qu'on en est, à faire ce que l'on fait pour pouvoir faire autre chose, pouvoir devenir tout autre l'espace d'un instant. Alors le joueur en mouvement dans l'immobilité se déplace de sa position personnelle à la position zéro. La position zéro qui fait que l'adversaire, focalisé dans sa visualisation mentale, le croit devenu nul. Celui qui fait face au joueur en mouvement dans l'immobilité est trop bien préparé. Il en a déjà trop vu. En chimère vidéo et en mythe statistique, il connaît son opposant par cœur, gavé d'automatisme et d'entraînement capitalisé à outrance. Il a un œil tourné vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Il est sûr de son confort. Il a foi en lui et en l'autre. Sans s'en rendre compte, petit à petit, il commence par s'aligner sur l'autre joueur et mentalement, il pense le contrôler. Sa perception de la réalité se trouve réduite à la seule référence au passé. Il a perdu le doute et l'immédiateté, et c'est cela même qui le perd. Pour sortir du champ d'attention de son adversaire, cela exige de le pousser à être totalement vigilant pour retourner cette vigilance contre lui, jusqu'à l'amener à ne plus regarder qu'à l'intérieur de lui-même. Cela exige de déplacer les certitudes de son adversaire pour qu'il emporte ses pensées au plus profond de lui-même, jusqu'à ce que son moi soit sa propre prison de miroir, qu'il soit aveuglé au point de ne plus voir que lui-même et ce qu'il croit, jusqu'à se casser de lui-même, jusqu'à son implosion. J'aimerais bien sillonner avec vous, Dundé et Brett, les routes de France dans un gros camion comme Fred et Jamy à la grande époque pour explorer un peu le football de nos territoires. Mais nous sommes dans le studio de Radio Grenouille pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, le tome 2 sur le mouvement. Pour ceux qui ont écouté la croquine du coach avant cette interlude musicale, on comprend qu'il a peut-être un peu souffert du voyage avec Magic en train. 8 heures de train, je crois, pour rejoindre Oléron, hein, au Bamo. Oui, il y a plusieurs explications. Oui, ça renvoie au mouvement de l'immobilité façon Jamiroquai, donc il a fumé des spliffs pour supporter Magic pendant 8 heures, ou il atteint au mystique, ou en tout cas une certaine passion pour la physique quantique, le coach. Ouais, moi je crois qu'en fait on tombe juste avec cette musique de C'est pas sorcier, c'est que le coach fait partie de cette race d'entraîneurs effectivement mystiques, comme vous l'avez dit, Brett. Donc le coach est un sorcier, mais comme d'autres entraîneurs dans le monde du sport, on pense à Phil Jackson au basket, le coach zen, mais aussi au chaman peut-être. Il me semble que Diego Simeone a parfois pu hériter de ce nom, de ce surnom, si je ne m'abuse. Un chaman, un tantinet nerveux quand même. Un tantinet nerveux, mais il a cette capacité à galvaniser comme ça ses troupes. Moi, je trouve qu'il y a une question intéressante que pose le coach dans sa chronique, c'est celle du surgissement, de l'avènement, effectivement de l'immobilité, se faire oublier. Par exemple, moi, je trouve qu'on est vraiment dans presque une illustration du hors-jeu, de la position de l'attaquant à la limite du défenseur, rentrer dans la tête de son défenseur par son immobilité, pour ensuite déclencher un mouvement comme ça d'attaque assez furtif. Bah moi, ça me fait tout de suite penser à ça, l'immobilité comme recherche de solutions sur un terrain de foot. J'ai vu les images en moi-même pendant l'écoute de cette croquine du match des philosophes, des Monty Python, qui pendant tout un temps assez long, cherchent la solution, essayent de comprendre le football, et puis tout à coup, paf, On sort de l'immobilité pour agir et marquer le but. Je crois que c'est les philosophes grecs qui ouvrent le score face aux philosophes. Ça renvoie aussi à des philosophies de d'art martial asiatique, évidemment. Et il y a quand même cette truc, pour revenir au mouvement, cette idée de justement contourner le mouvement en le surprenant. Enfin, il y a on pense à cette technique de combat qui est la technique de l'homme sous. Il y a cette capacité à se rendre invisible et ces choses comme ça. Alors après, le mouvement dans l'immobilité dans le football, c'est pas toujours évident, mais le coach donne des pistes intéressantes. Ouais. Il y a peut-être aussi dans ce face à face la position, enfin la séquence du penalty en fait, où le gardien de but figé en quelque sorte sur sa ligne et qui prend parfois des poses de masque asiatique fidjien pour étonner son adversaire et d'un coup se détend et bondit. Donc il y a quelque chose de l'ordre du combat mental en fait aussi dans ce face à face. Et d'ailleurs à propos de gardien de but, savez-vous ce soir lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018, quel match spécial va jouer Gianluigi Buffon, le gardien de la sélection italienne? Ouais, ça c'est une histoire de nombres, c'est ça, de chiffres, c'est son 500e, millième. C'est son millième match professionnel qu'il va jouer ce soir. C'est quand même. On pourrait se poser d'ailleurs dans cette émission, mais on ne le fera pas, la question de la longévité de Gianluigi Buffon. Est-ce que scientifiquement c'est explicable, puisque il arrive à 40 ans et normalement les joueurs de foot arrêtent leur carrière un peu avant, mais lui, il a une longévité extraordinaire. Pour un mec qui s'appelle Jean-Louis. Alors, le mouvement, tome 2, version scientifique cette fois-ci, on se lance puisqu'on va pas rester dans l'immobilité bien bien longtemps. Dans cette première partie d'émission, on voulait se questionner sur le mouvement des hommes avant le mouvement du ballon. Et il me semble que l'émission précédente nous avait amené à évoquer l'idée du mouvement perpétuel en football, mon cher Brett. Bah, tout à fait, que vous aviez expliqué en relation avec la philosophie de Genentes. Ce jeu de passe qui donc implique un mouvement permanent, il faut parler du mouvement dans le foot. Alors le foot est un jeu collectif, un jeu stratégique et qui induit le mouvement. Un foot à l'arrêt n'existe pas. Donc après, c'est comment coordonner ce mouvement sur un terrain par un coach, par des joueurs qui jouent ensemble. Donc ce mouvement perpétuel, c'est le mouvement qui représente la vie sur le terrain et tout ce qui stagne meurt. Mais si on va, je pense qu'on a des exemples qui vont venir l'étayer précisément, mais le mouvement c'est ça, c'est comment mouvoir des joueurs ensemble et comment les joueurs comprennent ensemble ce mouvement et l'idée de dépasser l'adversaire qui est en face, qui lui aussi est en mouvement, comment surprendre et déstabiliser. Ben, on peut écouter, si vous le voulez bien, un petit extrait. C'est pas encore un scientifique éprouvé, mais l'entraîneur qu'on va entendre là est un vrai théoricien du football qui ne renierait pas cette philosophie du jeu à la nantaise et du mouvement permanent. On l'écoute et puis on en discute. Le moment où on récupère la balle, c'est un moment qui est privilégié puisque l'adversaire, lui, il est dans une situation offensive, donc il est dans une certaine fragilité. Donc c'est cette transition qui doit être très rapide pour exploiter le déséquilibre qui existe chez l'adversaire. L'efficacité collective, c'est justement la capacité de passer d'une phase à l'autre. Sur le plan défensif, c'est la capacité à se replacer très vite à la perte de balle. Et puis après, exploiter la récupération du ballon très très vite pour exploiter le déséquilibre qu'il y a chez l'adversaire. Donc ici, on est dans une phase défensive, donc le bloc est court et étroit, de telle manière à apporter une densité qui permette la récupération du ballon. Là, on récupère la balle. Voilà. Et maintenant, donc le bloc se déploie dans la largeur avec des déplacements qui sont coordonnés de manière à garder quand même une occupation du terrain qui permette une anticipation sur la perte du ballon et qui donne des possibilités de passe les plus riches possibles pour le porteur du ballon. Ce qui est fondamental c'est la respiration du bloc en fait. Quand on perd le ballon, on resserre. Quand on récupère, on ouvre. Bon, c'est le phénomène de la respiration. On inspire, on expire. C'est tout à fait ça. Et donc le jeu, c'est une transition entre l'une et l'autre. Et c'est vrai que si le jeu est instable, on s'essouffle et c'est là qu'on se trouve en difficulté. L'entraîneur qu'on vient d'entendre est Christian Gourcuff, qui était à l'époque de ce son l'entraîneur du football club de Lorient, maintenant dans une autre ville de Bretagne, ou presque de Bretagne. Il utilise une métaphore intéressante, je trouve, pour évoquer le travail de l'entraîneur quant à la constitution d'un mouvement collectif, d'un mouvement d'une équipe entière. C'est la métaphore de la respiration. Quand on n'a pas la balle, on a un bloc resserré qui permet de récupérer la balle le plus vite, puisque c'est le moment clé de ce jeu en mouvement permanent, à récupérer la balle le plus vite et le plus haut possible. Et puis dès dès qu'on a la balle, on éclate sur tout le terrain pour offrir de nombreuses solutions. Dundé. Oui, je pense que la recherche de la déstabilisation permanente de l'adversaire. Ce qu'il explique bien, c'est que il y a des moments de grande instabilité qui se passent au moment où l'équipe qui attaque perd le ballon, et c'est ce moment-là qu'il faut mettre à profit pour effectivement se déployer comme il le dit. Donc on a avec Christian Gourcuff une analyse très scientifique finalement du jeu. On peut se demander si le mouvement n'est pas finalement une question que se pose l'entraîneur et que les joueurs appliquent par exemple comme des cobayes en fait. Finalement c'est un peu l'impression qu'on a avec cet entraîneur, mais d'autres comme lui qui ont cette passion du détail, de l'analyse scientifique quasiment du jeu. Ben oui, et la science, si je peux me permettre d'envoyer tout de suite un deuxième extrait, a trouvé aussi dans le monde animal notamment des applications, on va dire, des existences de vie en collectivité qui pourraient nous faire évoquer la vie en collectivité dans une équipe de foot et sur un terrain de foot. On écoute ça tout de suite. Un banc de poissons, d'un point de vue biologique, on considère que ça a deux objectifs fondamentaux. Un, l'aspect masse. Il s'agit de décourager des prédateurs éventuels. L'autre objectif, c'est faciliter la recherche de nourriture. Mais le poisson n'a absolument pas conscience que le fait d'être membre d'un banc lui permet d'améliorer sa capacité de survie. Comment fonctionne un banc de poissons ? Vous pouvez modéliser ça avec une simulation informatique extrêmement simple. Vous avez besoin de trois comportements. Premier comportement, l'évitement. Je ne dois pas heurter mon congénère. Second comportement, je cherche à me mettre au centre de la nuée. Dernier élément, l'ajustement des vitesses. J'essaye d'aller à une vitesse qui est sensiblement proche de celle de mes voisins. Si vous utilisez ces trois comportements, que vous modélisez tout un tas de poissons virtuels sur un ordinateur, et que chacun de ces petits poissons virtuels est régi par ces trois comportements, vous obtenez une dynamique générale d'un banc de poissons qui est extrêmement similaire à celle d'un banc réel de poissons que vous rencontrerez sous la mer. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments simples, dotés de règles élémentaires, on a un comportement global complexe. C'est ce comportement global complexe que l'on appelle une émergence. L'objectif, il touche. Hein, si, tu peux faire de manière. L'intelligence peut-elle émerger d'interactions basiques ? Les joueurs sont-ils des exécutants robotiques ou conçoivent-ils l'ensemble du système pour décider en toute conscience ? Alors ce très sérieux scientifique, quand il évoque le banc de poissons, moi, m'intéresse beaucoup. D'abord, dans le tout début de son intervention, il dit que le banc de poissons se caractérise par deux choses essentielles. Son aspect masse, moi ça me rappelle aussi celui de l'équipe de foot qui doit impressionner l'autre aussi par son body language dans le couloir menant au stade. Enfin, on doit un peu faire peur Les premiers impacts. Exactement, les premiers tirs dans le mur pour faire un peu mal. Pour faire mal, ouais, pour faire peur. Et puis la recherche de nourriture. Pourquoi on est un collectif ? C'est la recherche de nourriture ensemble. Et là, une équipe de foot, qu'est-ce qu'elle recherche comme nourriture ? C'est le ballon. Ou la victoire. Moi, j'aurais effectivement, il y a quelque chose de très intéressant dans ces parallèles entre monde animal et monde humain, donc footballistique. Mais malgré tout, je vois une limite. C'est que pour moi, les dynamiques des espèces tendent à préserver et assurer la survie des groupes. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez mécanique en fait dans ce système. Je pense que finalement, les individus individus, donc pour accroître leurs chances de survie, ont besoin en fait de préserver et d'obéir aux règles du groupe, mais quasiment inconsciemment, on va dire de manière biologique, pour assurer leur propre survie. Ce qui n'est pas le cas chez les footballeurs. On a beaucoup d'exemples de footballeurs qui font quand même pas mal de conneries, qui desservent aussi le plan de jeu préalablement établi. C'est la faille de l'espèce humaine. On pourrait imaginer que c'est là que le rôle de l'entraîneur, un bon de poisson n'a pas d'entraîneur. Une équipe de foot a un entraîneur, et c'est là que on peut imaginer que l'entraîneur inculque ce besoin de survie de l'équipe. Parce qu'il y a quand même quelque chose de marrant qui me fait penser au bon de poisson, c'est cette capacité du groupe collectif à s'entraîner individuellement, à apprendre beaucoup d'un savoir footballistique et à l'intégrer, à arrêter de l'intellectualiser. Et après, dans une espèce de confiance intégrale dans l'équipe et dans l'entraîneur et la stratégie mise en place, reproduire ça de manière quasiment instinctive et du coup d'une manière quasiment animale. Pour jouer ce qu'on lui demande de faire, en fait. Et après, ça n'empêche pas l'exploit individuel ou le raté individuel qui fout le truc en l'air. C'est la question d'ailleurs qui est posée en fin d'extrait. Est-ce que le joueur de foot n'est qu'un exécutant un peu robotique des consignes de l'entraîneur quant au mouvement collectif sur le terrain, ou est-ce qu'il fait les choses en conscience? Et du coup, c'est vrai qu'on évacue, avec cet exemple du banc de poisson, toute la question de l'émotion aussi, sur l'émotion produite par le collectif et puis l'inconscient qui va amener à... L'inconscient qui a enregistré déjà nombre d'informations, qui va amener aussi à se décaler d'un schéma proposé par l'entraîneur. Je crois que l'idée, c'est aussi qu'un joueur de foot se détache au maximum de l'émotion. C'est quand même le principe de l'entraînement. D'être prêt à affronter les gros gros matchs sans se faire dans la culotte, quoi. Et en même temps, il faut une dose d'émotion pour se sublimer. Se sublimer, c'est important au football. Je suis pas sûr que les poissons aient en tête cette idée de le poisson ne se sublime pas, vous pensez? Ne se sublime jamais. Je pense qu'il répète. C'est dur pour les poissons. Il rabâche. T'as déjà vu des étourneaux ne sont pas des poissons, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose de sublime. Dans le requin n'est pas un poisson non plus, je crois. Ce n'est pas un poisson. Mais il peut se sublimer. Moi, à l'Institut du Mouvement, vous avez beaucoup de bien. Vous avez c'est un gros actualisé de vos connaissances à l'arraché à 3h du matin. Bah alors, si on continue dans ce mouvement d'émission, on se rend compte aussi que la question d'un mouvement collectif sous-entend celle d'une intelligence collective. Ça veut dire à un moment où le groupe devient intelligent en lui-même et dépasse l'individu. De toute façon, on va toujours rechercher la cohérence entre l'espace individuel et l'espace collectif pour être le meilleur possible. Mais est-ce qu'une intelligence collective existe au sein d'un groupe? C'est une question qu'on peut se poser, mes chers amis. Et je crois que vous avez plein de réponses à fournir à ça. Ouais, intelligence collective et footballeur, c'est quand même déjà... je pense que pour nos auditeurs, c'est compliqué. Mais Dundé a plein de trucs à dire sur intelligence collective, je pense. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'appuie sur un nouvel extrait, puisque la science, une fois de plus, la science sur laquelle on s'appuie continuellement dans cette émission, trouve des exemples d'intelligence collective, notamment dans une certaine amibe. Il y a un exemple qui est très intéressant, qui montre comment un système peut passer de l'état individuel à l'état socialisé, en quelque sorte, formant une sorte d'intelligence collective. C'est une amibe qui s'appelle le Dictyostelium, qui est donc une amibe individuelle qu'on voit parfaitement au microscope. Elle se nourrit de bactéries, de différentes petites particules. Mais si on la carence en nourriture, si on dessèche le milieu dans lequel elle vit, le Dictyostelium s'arrête. Et l'une d'entre elles va commencer à émettre un signal chimique qui attire d'autres amibes. On va voir cette chose tout à fait étonnante, exactement comme les bras d'une galaxie, on voit s'organiser des cortèges de Dictyostelium qui vont progressivement constituer une colonie de plusieurs centaines, voire de milliers d'individus qui ressemblent à une petite limace. Cette petite limace, dotée d'une forme d'intelligence collective, va se déplacer de manière coordonnée, on la voit au microscope, à la recherche de nourriture. Elle va continuer à se nourrir, mais collectivement. Cette amibe individuelle a pu s'organiser de manière sociale pour se nourrir et ensuite, quand le milieu redevient favorable, redevenir individuelle. Ce qui passionne les chercheurs, c'est où dans les gènes de cette amibe se trouvent les propriétés qui permettent de passer de l'état individuel à l'état social. Le Dictyostelium, comme joueur de foot, ce serait pas mal. Mais effectivement, où se trouve chez le joueur de foot ce gène qui lui permet de passer de la socialisation à l'individu? J'aurais tendance à répondre chez Amibe Bay. Mais l'amibe je pense de tous que les amibes. Ce sera insuffisant. Il me semble que l'intelligence collective suppose, présuppose une communauté d'intérêts. Et que, évidemment, en tant qu'animal social, les hommes, comme finalement beaucoup de groupes animaux, se structurent autour de cette communauté d'intérêts. Donc, évidemment, elle évolue peut-être depuis un état de nature à un état culturel, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, préserver des modes de vie, mais du coup, cette communauté d'intérêts induit certainement un espace collaboratif de collaboration. C'est la base, en fait, du fonctionnement des sociétés et donc de la société footballistique. Allez, sociologue. On peut imaginer que cette communauté d'intérêts se déplace tout simplement dans la victoire pour une équipe de foot. Tout à fait. Mais, ou dans le match nul, quand on a besoin de match nul. Enfin, en tout cas, dans le résultat, celui qui est souhaité, en tout cas. Bon, alors du coup, on peut revenir à notre entraîneur, peut-être, pour continuer. Quelle est l'application de cette... quel est l'intérêt commun qu'on peut trouver sur un terrain de football et qui va conduire à une forme d'intelligence collective, donc à un déplacement conscient ou inconscient, mais du moins commun de tous les membres de l'équipe? C'est la défense en zone, nous dit Christian Gourcuff. La défense en zone, juste pas pour l'expliquer, parce que lui va le faire, mais c'est en opposition au marquage individuel. Tout à fait. Qui consiste à chaque défenseur marque un attaquant et le suit un peu partout. C'était cher à la JOCR, ouais, des années 90, notamment. Pour expliquer la défense en zone, il faut imaginer peut-être une zone de handball bien dessinée où les joueurs sont autour et bloquent l'accès, quel que soit le joueur qui se présente devant eux. Alors Christian Gourcuff, avec ses mots, va nous l'expliquer, cette défense en zone, et voir comment c'est un peu son dictyostélium à lui. Entre les membres du système, un réseau relationnel se tisse. Il permet de faire converger les actions de chacun dans une stratégie collective. Sur ce modèle se construit la défense de zone d'une efficacité redoutable. Au contraire du marquage individuel où il y a justement on se polarise sur les arrivées éventuelles du ballon et donc on fait un marquage sur les joueurs. Et dans le système de zone, l'objectif c'est d'empêcher, en tout cas de filtrer le départ du ballon dans la profondeur. En fait, chaque ligne s'oriente en diagonale. Ça permet d'une part de limiter les angles de passe entre les joueurs. Donc si la ligne s'oriente en oblique, ça limite les angles de passe. Et puis d'autre part, ça permet une couverture latérale du partenaire. C'est-à-dire que si un joueur qui est éliminé, le partenaire, en se positionnant en oblique, peut aussi intervenir. En saviez-vous autant, mon cher Denis, sur la défense en zone? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair, moi je suis un partisan de la défense individuelle, hein, donc j'aurais forcément plus de choses à dire sur ce sujet. Je trouve ça, effectivement, la défense de zone, il y a une coordination du glissement en fait des défenseurs, comme ça on fonctionne par bloc, avec un quadrillage du terrain très précis. Moi, par rapport à cette question de l'intelligence collective, je me pose aussi toujours la question de l'élément perturbateur qui peut être en fait, pas forcément, mais positivement peut-être, le soliste en football, puisqu'on parle d'intelligence collective. Ou le con. Le maillon faible de la défense de zone. Mais le soliste en football, puisqu'il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, mais malgré tout, les joueurs qui valent le plus cher sur les marchés sont les joueurs qui sont en capacité de faire la différence sur une action de grande classe individuelle. Donc il y a comme ça arriver à coordonner l'intelligence collective avec la faille ou au contraire la capacité à sublimer le collectif. Je trouve que c'est là un paradoxe, vous voyez ce que je veux dire. Oui, peut-être une continuation, l'intelligence collective et le groupe, c'est peut-être le socle pour les capacités individuelles de s'exprimer après plus librement, puisqu'à un moment il faut briser ça. On revient à ce qu'on disait la fois précédente avec le Guyane, ou ce truc du foot qui est, si le foot est parfait, il y a que des matchs nuls. Si la défense en zone est parfaite, il n'y a que des matchs nuls, personne ne passe. Et c'est là que du coup le soliste intervient. Il faut quand même la touche de le jeu. Le jeu appelle l'erreur, hein, de toute façon, comme on le dit. Il faut des erreurs, sinon, ou des exploits individuels, qui sont peut-être les mêmes choses à deux angles opposés de la ligne. Il n'y a pas d'onction en ligne, mais les gens auront compris. Je vous propose, chers amis, avant que nous soyons à court d'arguments, de laisser le docteur Lehmann conclure sur cette première partie du mouvement des hommes, les mouvements collectifs, et vous allez voir qu'il le fait de belle manière. Thank you. toute la dialectique et tout l'intérêt du football réside dans la tension que noue ce sport d'un en entrelacs permanent entre jeu et but. Théoriquement, le mouvement s'arrête lorsque le ballon rencontre le gardien. Pourtant, même le coup de sifflet final n'est souvent qu'une illusoire pause, tant la magie du mouvement perpétuel hante les pensées nocturnes d'adolescents enfilant la panoplie des grands. Le mouvement suggère aussi sa propre fin, l'arrêt, qui décontenance et effraie. Qu'y a-t-il après ? Là est d'ailleurs toute la beauté du visionnage en streaming, lequel laisse imaginer les actions, périodiquement stoppées dans leur élan, parfois même en ne présentant aux spectateurs qu'un demi-écran. Si le mouvement est bonheur, il est aussi forcément déception. On aurait aimé figer le Napoli de Maradona, vainqueur de ses deux premiers calcios, dans les sédiments volcaniques d'Herculanum ou de Pompéi, à une époque où nos amis italiens ne disposaient pas encore de cette formidable propension à corrompre le moindre sport auquel ils s'avisent de toucher. Sensiblement à la même époque, notre archéologie du ballon naît pourtant au cœur d'une Amérique où elle joue toujours un rôle ambivalent. Le jeu de balle des Mayas met le feu à notre imaginaire en lui attribuant toutes sortes d'issues. Les pires fantaisies ont ainsi été assénées, même les plus sanglantes évoquant le sacrifice, comble du jeu, du vainqueur. De ce point de vue, nos camarades Mayas nous ont laissé une formidable énigme en pourvoyant leur fantastique cité engloutie de multiples city-stades. Même balle en caoutchouc, mêmes équipes, même mouvement qui s'opère entre l'homme et l'objet. Toutefois, à la question « que représente l'objet ?», peu de réponses. Il y a probablement l'idée de passer ce ballon dans un trou, ce qui constituerait un but. Le but. Mais qui joue ? Dieu, roi, représentant des uns ou des autres, ou plus simplement condamné à mort, les rapprochant alors des jeux du cirque. Est-ce une partition écrite, une scène préprogrammée, ou bien une véritable compétition propre à mettre en balance le talent des hommes, en proie au hasard, ce ballon pas encore parfaitement rond? Il semblerait qu'il y ait des deux, de l'amusement et le dur spectacle inspiré par la loi des dieux. On ne trouvera jamais, mais il faut sans relâche continuer à chercher, car toute la beauté du mouvement, comme celui de la génération spontanée, naît de l'utopie de donner vie, même aux morts. Il y a là l'espoir de la résurrection, un quelque chose de nouveau qui pourrait, qui sait, redonner quelque contenu à ce spectacle vide de sens. En cette année où la gloire semble promise à l'hydre de Lerne, au pire des murges, des plus répugnantes écuries, on se prendrait presque à rêver de tabula rasa en souhaitant, on ne sait jamais, mort au vainqueur. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Et oui, c'est toujours des bâtons d'Anguirou sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille. Vous venez d'entendre la chronique du docteur, une chronique enjouée et fidèle au principe d'obscurantisme du docteur, hein, comme d'habitude. Et ce qui nous permet de faire la transition sur cette deuxième partie de cette émission numéro 2 sur le mouvement. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est le tome 2 de notre développement sur le mouvement. Avec le mouvement du ballon, on vient de parler du mouvement des hommes, parlons maintenant du ballon puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et mon cher Brett, je vous laisse la parole tout de suite puisqu'on parle depuis le début de cette émission de ce fameux institut du mouvement à Marseille où nous avons passé un mois à travailler sans relâche pour préparer cette émission. Dites-nous deux mots de cet institut du mouvement. L'Institut du Mouvement est une superbe bâtisse située à Lumigny. dans le parc des Calanques de Marseille. Parc national. Parc national des Calanques, que nous aimons tous et que nous trouvons superbe. Oui. Et cet institut des sciences du mouvement, précisément, est, comme son nom l'indique, travaille sur le mouvement et essentiellement dans le mouvement dans le sport, sous différents aspects. Je vais vous lire la présentation qui est donnée sur le site, ça sera peut-être plus clair que si je l'explique moi. Donc en fait, l'Institut des sciences du mouvement Étienne-Jules Marais est une unité mixte de recherche associant Aix-Université Marseille et le CNRS. Alors, les thèmes de recherche de l'Institut portent sur les déterminants mécaniques, physiologiques, neurologiques, psychologiques et sociologiques de la motricité des êtres vivants, l'homme en particulier. L'Institut est composé de 7 équipes scientifiques. Donc, on a la plasticité des systèmes nerveux musculaires, le comportement perceptivo-moteur, le contexte motivation et comportement, les performances motrices et modélisation, la biorobotique, le groupe interdisciplinaire en biomécanique et la conception bio-inspirée. Donc vous voyez que nous, ça nous parle évidemment beaucoup. Bah oui, mais on va peut-être être un peu plus clair avec nos auditeurs. Mais oui. Est-ce qu'on peut les entendre un petit peu, nos chers amis de l'Institut du Mouvement? Tout à fait, nous avons interviewé Reynou Boutsma du département comportement perceptivo-moteur qui nous a parlé de la trajectoire du ballon et des coups francs qui nous intéressent particulièrement pour cette partie. À la faculté des sciences du sport de l'UMINI à Marseille, on étudie la trajectoire du ballon de foot au moment du coup franc, au centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Alors, un des grands thèmes de recherche du laboratoire donc de l'ISM, c'est le couplage de perception-action, c'est-à-dire comment on organise ses actions en fonction de ce qu'on perçoit. Et pour un certain nombre d'actions, c'est surtout donc la vision. Quand la balle va tout droit, elle va quand même plus vite et on a plus de chances de marquer. On s'est posé la question pourquoi des experts, les professionnels font cet effort de brosser la balle, de la faire tourner. Donc on a commencé il y a quelques années avec une expérience qu'on a menée sur des équipes de foot professionnelles. On lui demandait de juger si une balle qui a rapproché rentrait dans le but ou pas. On avait constaté lors de l'analyse de ces données que la rotation de la balle, qui fait donc une déformation de trajectoire, avait un effet systématique sur les jugements. Les footballeurs étaient confiants dans leur jugement. Quand une balle tourne comme ça, ça crée des différences de pression d'air sur les deux côtés qui créent une force appelée la force de Magnus, l'effet de Magnus, qui fait en sorte que la balle qui tourne dévie de sa trajectoire. Cette force qui est créée, en fait, c'est une force qui donne donc lieu à une accélération. Et le système visuel humain n'est pas bon à la détection de l'accélération. Le tireur du coup franc, il a intérêt à tirer des balles brossées parce que le gardien risque de partir dans le mauvais sens avant de revenir. Il aura certainement plus de temps de l'intercepter. L'intérêt d'étudier des situations sportives comme on l'a fait en utilisant donc les meilleurs joueurs du monde pour ces expérimentations, c'est qu'on a le système poussé à sa limite. Merci à nos amis de l'Institut du Mouvement qui, je crois, introduisent parfaitement cette deuxième partie. Ils nous ont conseillé, pour parler du mouvement du ballon, de parler du coup franc, qui est un exemple parfait selon eux. Mmh. Donc on s'est exécuté. Et alors, le coup franc est un art devenu très spécifique. Aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'y essayent. Qu'est-ce qu'on peut citer pour nos auditeurs un peu néophytes comme grand spécialiste actuel du coup franc? Il y a le coup franc direct et le coup franc indirect, donc ça fait déjà des catégories de joueurs bien différentes. Tout à fait. Bonne nuance. En effet, il y a les centreurs et les frappeurs au but. Alors, je pense que l'idée là, c'est de se concentrer plutôt sur la frappe au but. Oui, je pense. On a les gros joueurs actuels, évidemment, les Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Gareth Bale, Dimitri Payet, pour parler en local. Il y avait l'extraordinaire Juninho, qui là amène en plus une rupture dans le monde du coup franc tel qu'on le connaît, avec une frappe quasiment inédite, en tout cas pour le grand public. Inédite en quoi? Oui, il y a des manières de frapper différentes. Voilà, exactement. Notre ami de l'Institut des sciences du mouvement parlait du coup franc brossé, qui était quand même pour notre génération, la génération Platini ou autre, de ce ballon frappé de l'intérieur du pied qui imprime une courbe qu'on voit bien, cette espèce de virage. De virgule. Le coup franc Juninhès, qui est plutôt cette espèce de frappe avec un coup du pied très particulier, qui est aussi lié, on pourrait en parler, à la spécificité du ballon. Les ballons ont vraiment changé, et notamment dans les coutures et tout ça, donc la résistance à l'air, mais Le coup franc de Juninho était un peu un coup franc à la Olivier Tom, c'est-à-dire qu'il pouvait monter très haut et tomber d'un coup et bouger comme ces espèces de ballons en plastique sur lesquels on jouait quand on était tout petit dans nos lotissements ou aux jardins respectifs. Alors dans mes recherches, figurez-vous que j'ai trouvé une explication scientifique à ces coups francs actuels qui faisait que les trajectoires, notamment en fin de course, étaient très aléatoires. En fait, il s'avère que sur ces frappes, il n'y a aucune rotation du ballon, contrairement à ce qu'on nous disait dans l'interview de nos amis de l'Institut du Mouvement, où les ballons sont brossés. Là, ces frappes, notamment de Juninho ou de Cristiano Ronaldo, sont sans ballon et sans rotation, pardon. Sans ballon, ce serait compliqué. Et il s'opère à une certaine vitesse, une transformation de la traînée aérodynamique de ce ballon, qui passe de forme concentrée, donc qui pénètre vraiment bien dans l'air, à une forme évasée quand la vitesse diminue. Et en fait, il y a entre 22 et 28 mètres par seconde ce qu'on appelle la crise de la traînée. La fameuse crise de la traînée. Il faut faire un vœu à ce moment-là. Qui fait que cette traînée, en passant du concentré à l'évasé, cherche sa direction et du coup donne un effet de zigzag au ballon assez aléatoire. C'est super. Voilà. Donc il s'avérerait que des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Juninho s'entraînent à tirer des coups francs précisément à 28 mètres par seconde. Ah oui, crise de la traînée, ça c'est quand même très très beau. C'est très joli, ouais. Ouais. C'est Olivier Hatton qui maîtrisait bien la crise de la traînée. Tout à fait. Alors on va nous revenir aux coups francs brossés avec l'exemple le plus célèbre peut-être au moins de la fin du 20e siècle, sinon du football dans son intégralité. C'est le coup franc de Roberto Carlos que deux scientifiques hors pair de l'époque vont nous commenter. 21e minute, toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, 1 et 2. Moro Silva, Romario, avec une faute sur Romario, et un coup franc donc dangereux en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que. Il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse, extérieur du pied, qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Vous vous souvenez, hein, j'imagine, Brett Dundee de ce coup franc marqué en 1997. Je me souvenais pas du commentaire au préalable, mais peut-être parce que je l'écoutais pas aussi attentivement de Jean-Michel Larquet. On a l'impression qu'il a déjà vu le match en fait. Oui. On sent aussi que c'est la préhistoire de la science quand même, hein, avec Jean-Mimi. La valve, c'est très très bon. Effectivement, plusieurs termes pseudo-scientifiques quand même. Cette question de la valve, plus de valve dans les ballons, l'extérieur du pied, la façon dont il s'est placé. Il y a aussi une analyse du placement du joueur avant, et puis toute une réflexion autour de l'effet. Ouais. Très bel effet d'ailleurs, ce but. Je me rappelle pas, enfin peut-être qu'on peut, parce qu'on le voit pas là, mais du coup c'est ce ballon qui contourne le mur par la droite après une frappe de l'extérieur, qui semble complètement sortir et qui très soudainement et très rapidement revient vers les cages et rentre en tapant le montant droit de Barthez, si je ne m'abuse. Bah alors, si vous me permettez, deux scientifiques que je vais citer, hein, c'est Christophe Clanet et Caroline Cohen, qui ont publié un article dans la revue Citrus, une très belle revue qui mélange science, illustration, reportage, etc., explique la trajectoire du coup franc de Roberto Carlos. L'explique aussi en disant que finalement cette trajectoire a la forme parfaite d'une spirale. Alors, pour ce faire, ils vont convoquer plusieurs théories scientifique, je vous me permettez de récupérer mes petites notes. Il y a deux choses qui sont étonnantes dans cette trajectoire. C'est d'abord le fait que la balle soit à faible hauteur mais ne redescende jamais. Et puis il y a surtout effectivement cette trajectoire en forme de spirale. Alors c'est très simple pour cette histoire de trajectoire longiligne en termes de hauteur. Il s'avère que deux forces jouent, c'est à la fois la gravité et cette fameuse traînée aérodynamique dont on parlait précédemment, qui à une vitesse de environ 30 mètres par seconde sont égales, donc il n'y a pas de concurrence entre les deux, mais le coup franc de Roberto Carlos est tiré à 40 mètres par seconde, ce qui fait que la gravité joue très peu, et ce qui fait que c'est cette traînée aérodynamique qui va lui donner vraiment une hauteur constante. Voilà. Sauf que ce ballon est brossé, donc il y a une rotation, et comme on le dit à l'Institut du Mouvement, la rotation entraîne la force de Magnus qui va proposer du coup une poussée latérale au ballon. Or, quand la vitesse du ballon commence à chuter, la force de Magnus l'emporte sur la traînée aérodynamique, ce qui fait que on a cette poussée latérale qui va rabattre le ballon vers la gauche et vers le but de Fabien Barthez, et elle va le faire d'autant plus que le ballon ralentit, c'est-à-dire que on va avoir cette forme de spirale en fin de trajectoire, puisque la vitesse ralentit et la force de Magnus prend de plus en plus le pas sur la trajectoire. Donc, poteau rentrant et but. C'est très intéressant. Oui. Super. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Roberto Carlos avait obtenu son doctorat de physique l'année avant de tirer ce coup franc. Avec Barthez, lui. Lui, non. Bah, il bûche encore, hein, apparemment. Il a été recalé plusieurs fois. Belle explication. Bah écoutez, je vous remercie, mais elle n'est pas de moi. On avait prévu éventuellement une tentative de reproduction sur le plateau de cette frappe de Roberto Carlos. Je pense qu'on a très peu de temps pour finir cette émission, donc on va peut-être enchaîner tout simplement. Juste, je souhaitais vous faire partager ce petit jeu qui m'a été ramené d'Asie, qui est donc le football finger et qui permet d'enfiler deux. Je vais vous le montrer à vous et les auditeurs, on va essayer de leur expliquer. On enfile comme ça sur les doigts deux petites bottines et puis on va pouvoir comme ça sur table jouer au football. Ouais, et je voulais vous proposer, chers amis, de reproduire le coup franc de Roberto Carlos. Je dis ça pour les auditeurs. C'est bottines et chaussettes. Hein. Oui, oui, bien sûr. On a les chaussettes. Ah, ben on a les chaussettes. Jaune ou rouge, ça dépend. Et donc, c'est fourni avec un petit ballon en caoutchouc et des buts. C'est assez fameux. Super. On fait une petite pause musicale et on termine par le coup de pied des lecteurs. Eh bien, c'est toujours des bâtons dans Guirou, hein, ce tome 2 sur le mouvement qui va bientôt s'achever. Pendant la pause musicale, on s'est fait une petite partie de football finger avec Brett. C'est vraiment sympa. C'est très très bien. Ouais, c'est très sympa. C'est dangereux pour les doigts, il faut des protège-doigts. Alors pour terminer cette émission, on va ouvrir une nouvelle rubrique et donc convoquer une sorte de nouveau chroniqueur dans l'émission. Ce chroniqueur, c'est vraiment la science, mon cher Brett. Et tout à fait, qui va répondre aux coups de pied des lecteurs, donc... inspiré du fameux et célèbre courrier des lecteurs, en général un petit peu neuneux. Là, nous, coup de pied des lecteurs, ça va dépoter. Et notamment avec Raymond Lascience, qui est là pour... Bonsoir. Un peu notre Difool ou Don Doc, je sais plus. Alors là, c'est plutôt la première question, mon cher Brett, nous vient de Luis, 30 ans, qui vit dans un quartier chic de Barcelone. Et bonjour Raymond. Depuis quelques jours et par moment, je ne contrôle plus ma souris. Elle ne suit pas les mouvements que je demande, et ou alors elle se déplace toute seule à l'horizontale vers la gauche. Et depuis hier, c'est mon clavier qui débloque également. Est-ce que cela signifie un virus ou autre chose? J'ai passé Spybot, Adaware et CCleaner sans résultat. Que dois-je faire? Mon antivirus est Note 32. Merci de votre aide. Merci beaucoup. Raymond. Ah, le mouvement informatique. Voilà une question calibrante, mon petit Louis. Je te remercie de me l'avoir posée. Alors, je vais tâcher d'y répondre en deux temps, trois mouvements, une fois. Tu sais, mon petit Louis, si la souris s'échappe, c'est que le chat vit pas loin. Et si ton titi un peu le clavier, qu'est-ce que ça donne? As-tu quand même vérifié une fois qu'on t'a pas piqué le pare-feu quelque peu rakitiche que tu utilises? Si ça fonctionne toujours pas, c'est que tu as la digne. Ne te pose pas la question, comme disait ma grand-mère turque, Arda Turantu. Oh, merci, oui, merci Raymond. Bon personnage sur Raymond, je sens qu'il reviendra souvent. Alors, deuxième question qu'on a récupérée, c'est une question de Blaise, 29 ans, qui vit aujourd'hui en banlieue parisienne à Neuilly-sur-Seine et qui a joué pour Saint-Étienne et l'Estac. Bonjour Raymond, ma fille a 10 mois, elle est née prématurément avec 2 mois d'avance. Championne d'automne, comme dirait Serge, notre latéral droit. Elle est suivie par un kiné pour des séances de stimulation depuis qu'on a perdu 6-1 contre Barcelone. Mais c'est par période, pas tous les jours. Elle fait un mouvement bizarre. Que ce soit couchée sur le dos, le ventre, dans les bras, dans le transat, elle se soulève les fesses plusieurs fois à la suite comme si quelque chose la gênait. Qu'en penses-tu Raymond? Eh bien bonjour Blaise, mouvement bizarre dis-tu? Eh bien je pense qu'après cette déculottée face au Barça, elle a tout simplement mal au cul. Comme toi Blaise, du talk, et pour toi, smecta. Mais si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais répondre à ta question par une autre question, en deux temps, trois mouvements une fois. À ton avis, qui est parmi les hommes le meilleur étalon reproducteur? Eh bien, c'est Aimé Jacquet, car avec un lama, il fait 2 saillies et il obtient 40 bœufs. Voilà pour toi, Blaise. Mais dites bien ce message, la prochaine fois que tu voudras me poser une question aussi foutraque, tu y réfléchiras 2 fois avant de faire, non d'un cornet de frites. C'est dommage que... Merci Raymond. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps parce que je sais que vous aviez, Brett et Dundé, préparé quelques petites blagues de scientifiques. Là, on voit que Raymond s'en charge. Elle est très très bien, celle-là. Alors, une nouvelle question du petit Hiroki qui vit actuellement dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, honorable Léman. Mon moutou fait un mouvement bizarre. Quand un Pokémon sauvage apparaît sur mon côté droit, j'envoie un moutou pour tacler et là... Je remarque qu'il fait une petite animation juste avant de déclencher son talent. Son col fait de petits allers-retours rapides, et ensuite une fenêtre appalée et m'indique que Moutou est dans la lune. Du coup, l'attaquant parvient toujours à centrer ou à déborder. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça, Raymond? Alors, Raymond. Cher Hiroki, merci pour ta question rafraîchissante. C'est vrai ça, on ne dit pas assez que les footballeurs sont des créatifs. Alors quoi, Hiroki, tu vis dans un manga? La défense, c'est pas ton truc. L'attaque, c'est pas ton truc. Centrer, c'est pas ton truc. C'est quoi ton truc à toi, Hiroki, les Pokémon? Hiroki, s'il y en a un qui plane ici, c'est toi, nom d'un pack de 12. Ça ne suffit pas de venir du pays du soleil levant, il faut aussi sortir de son lit, mon petit Hiroki. Fini la chasse aux Pokémon au boulot. Alors, on prend une dernière question, celle de Cristiano. Oui, 32 ans, qui vit dans le luxueux et au plus long quartier de Salamanca, à Madrid. Bonjour, Raymond. Je casse les mouvements de mes cheveux quand j'ai fait une tête. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger les tirches? Ah, bonjour, Cristiano, tu t'adresses à un spécialiste de l'arrêt sur le côté. Eh bien, écoute, je te conseille le carré en mouvement pour une tête impeccable. Plongeant sur le devant ou astucieusement effilé sur les contours de la surface, la coupe carrée en mouvement est faite pour marquer en souplesse de la tête. Pour obtenir cet effet dynamique, 2 mouvements suffisent. Tu répartis avec les doigts une noisette de mousse coiffante sur tes crampons avant le séchage pour leur permettre de décoller. En touche finale, tu vaporises un peu de spray fixant sur les pointes et tu recadres tes ailiers entre tes doigts pour leur imprimer un joli mouvement naturel de droite vers la gauche. Voilà, Cristiano, fais attention quand même à ce que le ballon ne reste pas collé à tes cheveux la prochaine fois que tu feras une tête, non d'un cornet de frites. Merci, merci mon cher Raymond pour ce premier coup de pied d'électeur. On va conclure cette émission là-dessus, non sans penser grandement à notre ami Magic, toujours bloqué à Oléron avec le coach et le doc. Avec le docteur, on peut penser à tout le monde, ils vivent une situation de crise. Oui, et pendant ce temps-là... Une situation de triolisme sur Oléron. Ouais. Pendant ce temps-là... Une crise de traînée. On va essayer de tenir la baraque, nous, ici, ouais. Avec Dundee et Brett. Surtout, cher Manuel, que vous vous apprêtez aussi à partir pour un long voyage. Oui, mais je vous enverrai des cartes postales, ne craignez rien. Un coup de pied au lecteur, peut-être. On craint un petit peu. Le mois prochain, un tout autre thème que nous n'avons pas encore choisi de dévoiler à nos auditeurs, mais on vous dit à très bientôt, bonne continuation. Oui, merci à tous. Bon week-end, bonne soirée.